Jean Bosco, Douiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 7 septembre 2016. Voici tout de suite les grandes articulations de cette édition. L'on ne sait toujours pas qui a tué Olga, Lucia et Bernadette, des sœurs italiennes de la paroisse Guido Maria Conforti de Cumming. Et c'était le 7 septembre 2014, il y a de cela 2 ans, jour pour jour. 7 jeunes gens ont été arrêtés à Cibitoke avec des sacs remplis de petits poissons qu'ils allaient vendre au Rwanda en passant par la République démocratique du Congo. Et les quartiers de Mugoboka et Mutanga Sud de la commune Mukaza sont privés d'eau depuis plus d'une semaine. L'on craint l'apparition des maladies des mains sales, surtout le choléra. Reportage à suivre dans ce journal. La police dit ne pas être au courant de la collecte d'argent faite dans certains quartiers de la mairie de Bujumbura par des jeunes pour assurer la sécurité. Et l'administrateur de la commune Nahangwa affirme que cela a été suspendu dans l'entretemps, d'après les enquêtes de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques Olicom, le montant déjà perçu avoisinerait les 350 millions de francs burundais. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, cela fait aujourd'hui 2 ans que la vérité n'est pas encore connue sur l'assassinat ignoble de 3 sœurs italiennes survenu en date du 7 septembre 2014. C'était dans les enceintes de la paroisse Guido Maria Conforti de Cumming. Il s'agit de Lucia, Olga et Bernadette. Interrogé par la rédaction Isanganiro sur l'état d'avancement de ce dossier, le porte-parole du parquet général de la République, Agnès Vangelichenge, a fait savoir que les enquêtes sont toujours en cours. Rappelons que 2 personnes sont poursuivies dans ce dossier. Il s'agit d'un malade mental nommé Christian Butoyi et d'un certain Juvan Douimana, alors agent de la police nationale burundaise. 7 jeunes hommes ont été arrêtés par la police de Rugombo en province Cibitoke ce mercredi matin avec des sacs remplis de petits poissons appelés le Ndagala, à destination de la République démocratique du Congo, selon des informations de la police. Ce petit poisson est vendu cher au Rwanda en passant par ce pays voisin. Ces jeunes gens sont pour le moment détenus au cachot de la commune Rugombo et le commissaire de la police à Rugombo promet qu'ils vont punir sévèrement ceux qui vont passer outre la mesure prise par le gouvernement. Et l'administration locale en province Cibitoke a ordonné l'extraction des 2 corps sans vie d'un homme et d'une femme retrouvés ce mardi matin flottant sur les eaux de la rivière Rusizi du côté de la colline Rusiga en commune Rugombo dans la province de Cibitoke. Mais des sources fiables de Cibitoke révèlent qu'un de ces corps n'est plus visible car il aurait été emporté par ces eaux. Précisons qu'au niveau de l'administration et de la police, l'on indique ne pas avoir identifié les 2 personnes tuées et personne non plus n'a déclaré jusqu'ici avoir perdu une quelconque parenté. Et les dirigeants de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est et EAC se réunissent en sommet à partir de jeudi à Dar es Salaam en Tanzanie. La question de la crise au Burundi sera au menu de leur discussion. Rappelons que cette communauté a décidé de ne plus se réunir à Bujumbura pour des raisons de sécurité. Il est 13h01 à Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Dans la suite de ce journal, la collecte des frais de sécurité par des jeunes affiliés au parti CNDD-FDD appelé Imbonerakure est illégale. Elle s'est déjà faite dans certains ménages des zones de Buterere, Kinama et Kamenge de la commune Nangwa. Et cela ressort du communiqué sorti par Gabriel Rouftiri, président de l'OLUCOM, Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, et des témoignages recueillis par notre rédaction, notamment à Tcharama. D'après les enquêtes qui ont été faites par cette organisation, le montant déjà collecté s'élèverait à plus de 350 millions de francs burundais. Le compte-rendu de lecture de ce communiqué avec Ali Dandaïket. Dans ce communiqué, le LUCOM exprime son inquiétude à l'égard de la collecte des frais de sécurité qui est faite par les jeunes du parti CNDD-FDD, dit Imbonerakure. Cette activité s'est déjà opérée dans les zones de Buterere, Kinama et Kamenge. Les investigations de cette organisation font état d'une somme collectée surpassant 350 millions dans les 8 derniers mois. Chose incompréhensible pour l'OLUCOM, d'autant plus que les reçus délivrés portent le sceau de la commune Nahangwa, mais cet argent n'a pas été versé dans les caisses de la même commune. De plus, les communes de Bujumbura n'ont pas encore obtenu les prérogatives de collecte des taxes et impôts. À travers ce communiqué, cet observatoire se questionne quant à la destination de cet argent, puisque la population contribue tant qu'elle le peut pour aider les policiers et les militaires à travers les impôts qu'elle paie. Cette association demande que le gouvernement burundais arrête cette collecte de frais de sécurité parce qu'elle est illégale. Alida Ndayikeza, l'administrateur de la commune Ntahangwa, mairie de Bujumbura, fait savoir que la collecte des cotisations des frais appelés pour la de sécurité a été suspendue depuis le mois de février dans les zones Kamengi, Kinama et Buterere. Edi Paul Hakizimana affirme qu'il est en train de tout faire pour arrêter ce phénomène là où il s'observe encore. Ça a été en janvier, comme vous l'avez dit, en Kirundi. C'était en janvier, en février, avant que je passe à mon bureau. Enfin, à ce temps-là, j'ai essayé de freiner tout ça. Mais comme vous venez de le dire, ce n'était pas une taxe comme je l'ai entendu dire. C'était un encouragement que les ménages donnaient tout simplement aux veilleurs pour les encourager. La population donnait volontairement cet encouragement. Nous savons qu'il y a les corps chargés de la sécurité. Pourquoi vous avez opté à demander la contribution à la population? Nous n'avons pas opté à demander la contribution. C'est la population elle-même qui a opté à encourager. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éradiquer ce phénomène qui continue à s'observer? Comme je vous l'avais dit, ça se pratiquait en janvier, mais juste en février, j'ai essayé de le freiner. Et je crois très bien que ce ne sont que des petits groupes qui ont continué à faire cela. Mais je vais faire tous les moyens possibles avec la collaboration des agents de la sécurité pour éradiquer ça. Edi Paul Hakizimana, administrateur de la commune Ntahangwa, au téléphone avec Yves Nkunzimana. Nous vous rappelons que les habitants de ces zones payaient 1000 francs burundais pour les propriétaires des maisons et 500 francs pour les locataires. Et la police nationale dit ne pas être au courant de cette situation. Le porte-parole de la police indique toutefois que les seuls organes chargés d'assurer la sécurité de la population sont la police, le service national de renseignement et la force de défense nationale. Sinon, pour Pierre Nkurikiye, l'apport de la population ne consiste qu'à fournir des informations à ces trois corps sur tout ce qui peut perturber la sécurité. Suivez Pierre Nkurikiye au micro de Francine Ndéokougaï. Les problèmes sont traités du moment qu'ils sont portés à la connaissance des instances habilitées, ce qui n'est pas encore le cas pour le moment. Est-ce qu'en principe, les populations des différents quartiers doivent payer de l'argent pour renforcer la sécurité? La sécurité de la population, surtout le territoire de la République du Burundi, est assurée par les instances qui sont habilitées, les trois composantes essentielles qui sont la police, le service national de renseignement et la force de défense nationale. La population peut également jouer son rôle dans la préservation de la paix et de la sécurité en fournissant essentiellement les informations. Et une fois informés, ces corps alors analysent, recoupent toutes ces informations, vérifient si ce sont des vraies informations et envisagent des solutions techniques qui sont alors mises en œuvre par ces corps qui sont professionnels en la matière. Est-ce que pour informer, la population doit payer de l'argent? La population donne de l'information. Et à quoi se limite justement le travail de la police s'il y a des gens qui perçoivent de l'argent pour la sécurité? La police est mise en place par une loi et pour la remplacer, c'est également par cette voie. Est-ce que vous avez entendu parler d'une loi qui aurait été mise en place pour changer le corps de police par d'autres corps ou d'autres gens? Si l'information s'avère réelle, qu'est-ce que la police est prête à faire en ce moment? Si l'information est réelle, la police fera ce que la loi lui permet, mais il faudra qu'une plainte qui émane d'une personne victime d'une escroquerie pareille soit reçue par la police et que la police la traite. Pour traiter des cas pareils, la police doit attendre qu'il y ait des plaintes? La police doit être mise au courant, ce qui n'est pas encore le cas pour le moment. Pierre Nkurikiye, porte-parole de la police. Et puisque nous parlons de la police, sachez que le quartier asiatique en mairie de Bujumbura a été quadrillé ce matin pour une fouille et perquisition de routine. On n'en sait pas plus pour l'instant. Le quartier de Mugoboka de la commune Mukasa est privé d'eau depuis un mois, alors que le quartier voisin de Mutanga Sud n'en a pas depuis une semaine. Certains habitants de ces quartiers s'inquiètent. Ils risquent d'attraper le choléra, surtout qu'il y en a qui puisent de l'eau sale dans des rivières. Reportage de Gildas Rubéringa. La problématique de l'eau dans les quartiers Mogoboka et Mutanga Sud est devenue casse-tête en ces jours. Les habitants de ces quartiers trouvent des difficultés pour s'approvisionner l'eau de telle manière qu'ils paient dans d'autres localités par bidon. Un des habitants du quartier Mogoboka déplore le fait qu'il s'approvisionne ces derniers jours dans les rivières Nahangwa. L'eau est devenue rare dans notre quartier Mogoboka. L'eau du robinet nous servait beaucoup. À cette période où l'épidémie de choléra fait parler d'elle, nous utilisons l'eau de la rivière Nahangwa. Nous risquons d'être attrapés par les maladies des mains sales. Interrogé à ce sujet, le chef de quartier Mutanga Sud, Révérien Nibasumba, dit qu'il y a une partie de ce quartier qui en bénéficie, tandis que l'autre est privée de l'eau potable. Cet administratif indique cependant qu'une partie de sa population se débrouille pour avoir de l'eau. Au bloc 6, 5 et 4, il y a de l'eau. Ils ont fait un blanchiment à solo réseau, mais le bloc 3, D et 1 n'ont pas d'eau. Ceux qui ont l'argent pour le transport et vont fixer des prix. Cela montre que le peuple qui n'a pas d'argent va boire l'eau de Nahangwa. Nous les avons conseillés à boire de l'eau bouillie. Les habitants de ce quartier disent ne pas comprendre comment l'eau n'arrive pas dans tous les ménages. Ils demandent à la régie des eaux de trouver une solution à ce problème. Gildas Rubiringabo, il est 13h10 à Bujumbura. Une courte pause et nous ouvrons la rubrique des nouvelles de nos correspondants. Isanganiro, la radio de l'avenir. Le chef de colline Thierry, en commune Kirimba de la province Ngozi, est détenu depuis hier au cachot de la zone Gakere dans cette même commune. Il est accusé de protéger les fauteurs de troubles sur cette même colline. Le représentant provincial du parti FNL, Eldagaton Rwasa, le parti dont est issu ce chef de colline, parle de harcèlement et d'intimidation des militants de cette formation politique. Apollinaire Monzagara. Son chef de colline Chiria a été arrêté hier mardi sous l'ordre de l'administrateur de la commune Kirem. Il a été immédiatement acheminé au cachot de la zone Gakere dans cette même commune. L'administrateur communal indique que son chef de colline, Claver Chimirimana, a été arrêté parce qu'il a refusé l'arrestation de deux hommes qui avaient perturbé l'ordre public sur cette même colline. Les deux derniers sont parmi les militants du FNL qui tabassent la nuit des personnes à l'aide des haches et bâtons, explique Terence Samirizi, administrateur de la commune Kirem. L'autorité communale dit néanmoins qu'il envisage de le libérer après avoir mis la main sur ces deux hommes. Représentant professionnel du FNL, Pro Agaton Gwasa, formation politique de son chef de colline, parle de son côté de harcèlement et intimidation fait à l'endroit des militants de son parti. Parle aussi de deux chefs de colline, aussi membres du FNL d'Agaton Gwasa, sous les verrous depuis un mois et demi, et d'un autre enseignant arrêté aussi hier mars. Gorgon Mibouro demande que cela s'arrête et de s'accepter plutôt mutuellement sans tenir compte de l'appartenance politique de l'un ou de l'autre. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Cap maintenant sur Bubanza où les habitants disent qu'ils sont actuellement confrontés à la pauvreté et à la disette suite aux maladies qui ont attaqué les plantes de cette, cette année, surtout la bananeraie. Les responsables de la direction provinciale de l'agriculture et de l'élevage à Bubanza ainsi que les natifs de cette province appellent la population à détruire toutes les plantations de bananes déjà atteintes. Space Caritas Cavagnana. Les habitants de la commune Musigati qui participaient à la réunion de sécurité ce mardi ont déploré le fait que la banane disparaît complètement dans toutes les communes et qu'ils sont par conséquent confrontés à la pauvreté et à la disette. Un père de 8 enfants contacté ce mardi à Musigati ne sait plus à quel sein se vouer au moment où il espérait envoyer ses enfants à l'école après avoir vendu ses bananes, mais tout son champ a été attaqué par cette maladie appelée EBXW. L'ancien président du Sénat burundais, Gabriel Nsezirana, aussi natif de Musigati, a appelé la population à détruire toutes les bananes malades et a fourni beaucoup d'efforts dans la culture d'autres plantes comme les patates douces et autres. Il a également mis en garde les moniteurs agricoles qui ne sont pas en train d'aider la population à détruire les bananes malades. Il a également mis en garde les moniteurs agricoles qui ne sont pas en train d'aider la population à détruire des bananiers malades qui peuvent être les remplacer si les lamentations de la population sont fondées. De son côté, Jean-Paul Barusuanayo, directeur à la DPAE Ouanza, précise qu'il a déjà terminé le lancement officiel de destruction de tous les bananiers atteints et que la population doit continuer ses travaux et planter d'autres bananiers après une année. C'est Caritas Kabanyana Ouanza, Radio Isanganiro. On termine l'actualité des provinces par Gitega, où le gouverneur de cette province reconnaît que le comité provincial de sécurité a autorisé à la direction du lycée Moussinzira de fixer la somme d'argent que chaque élève doit payer pour réparer les dommages causés lorsqu'ils se sont chamaillés avec ceux du lycée Guichouy. C'était pendant la période de passation de l'examen d'État. Toutefois, Venant Manirambona dit qu'il n'a été autorisé à personne de déchirer le diplôme d'un élève pour n'avoir pas pu payer cet argent. Dans les délais fixés, il précise seulement que le montant a été déterminé en fonction de la valeur des meubles ou autres objets endommagés. Suivez-le. Oui, au moment où les élèves finalistes étaient en train de faire l'examen d'État, il y a un cas de désordre au niveau du lycée de l'Athénée. Les élèves qui étudient à l'Athénée ont causé le désordre en ne voulant pas bien accueillir les autres élèves. Il y a alors des cassures, et surtout le téléphone portable, mais aussi les verres des fenêtres. Et nous avons demandé à la direction de l'école, en collaboration avec les éléments de la sécurité, pour identifier d'abord tous les dégâts, mais aussi mettre en valeur, voir combien ça coûte combien. Et nous avons pris la décision que ce sont et ces élèves eux-mêmes qui doivent payer ceux qui ont été cassés, mais aussi les téléphones qui ont été volés. Et qui a pris la décision de déchirer leur diplôme au cas où ils ne s'acquitteraient pas de cet argent? Je pense que cette décision ne peut pas être prise. Un diplôme, on ne peut pas déchirer ça. On ne peut pas déchirer, tout simplement, on doit conserver. Et d'ailleurs, conserver dans un endroit très sécurisé, en attendant que l'élève est concerné et le montant lui demander et puis recevoir son diplôme. Personne ne peut déchirer quand même un diplôme. Personne. C'était le gouverneur de la province de Gitega, Venant Manirambona, au téléphone avec Aubin Niyonguru. Une courte pause, c'est pour annoncer l'actualité internationale. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En Bolivie, le gouvernement appelle à la responsabilité du secteur minier après l'assassinat du vice-ministre de l'Intérieur, Rodolfo Illanes, par des mineurs en grève il y a 2 semaines. Et en Afghanistan, la situation reste tendue à Kaboul après que les forces de sécurité ont mis fin aux attaques spectaculaires en moins de 2 jours. Et au Gabon, Ali Bongo et Jean Ping se sont exprimés dans les médias après plusieurs jours de silence, tandis qu'un hommage était rendu hier soir à Libreville aux victimes de la crise post-électorale. Karine Boutoy. Au Gabon, Jean Ping, qui se revendiquait président de la République et contestait les résultats de l'élection, a accordé une interview à la chaîne de télévision France 24 mardi après-midi, durant laquelle il a dénoncé que le pouvoir d'Ali Bongo tue tout le jour et a nié d'avoir appelé à la grève générale. Il y aurait eu 3 morts selon le chiffre officiel, 7 selon le comptable de la FP, entre 50 et 100 victimes selon Jean Ping. Selon le Jeune Afrique, Ali Bongo, quant à lui, s'est exprimé sur RFI et sur RTL ce mercredi matin. Restant sur sa position, il a affirmé que le nouveau décompte des votes demandé par Jean Ping serait contraire à la loi et que les violences qui secouent le pays depuis plus d'une semaine sont pilotées par l'opposition. En Afghanistan, la population n'est qu'un seul mot à la bouche, la sécurité. Vivre sur la menace est devenu une habitude, mais les habitants sont de plus en plus effrayés. Selon la RFI, la capitale afghane a subi 3 attaques en moins de 24 heures entre hier et aujourd'hui. Le 6 septembre au matin, l'attaque de l'ONG Care a fait au moins une victime. La veille des attentats suicides avaient fait 24 morts et 90 blessés dans une zone très fréquentée de Kaboul. En Bolivie, le vice-ministre de l'Intérieur, Rodolfo Illanes, a été séquestré, puis torturé et finalement battu à mort alors qu'il se rendait dans un village à 200 km au sud-est de la capitale La Paz pour tenter d'y entamer un dialogue avec les mineurs. Selon le site de la RFI, le ministre de l'Intérieur a exhorté que cette personne se trouvant actuellement en détention dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de ce vice-ministre ont été identifiés grâce à des témoignages et grâce à quelques preuves. Merci Karine. C'est sur ces nouvelles en actualité internationale que nous refermons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Eric Ouimana pour la mise en onde de micro. Jean Bosco, Ndouimana, un bon après-midi.